J'suis grésillement sur le vinyle à griffe sur ton CD. J'kiffe ton flow et tes 16 à base de couplets prohibés. Permettez que je m'incruse dans la partie, pas d'as sous la manche. Oh Mike, je mise tout le tapis, brochette d'MC. Quand on débarque, on fout ce là le son qui te braque. Désert Eagle, ça te fout des trempes, des claques. Lorsque je noircis ma feuille, ouvre grand tes oreilles, c'est le projet de désert ma gueule. Un freestyle, ça kick sale, écoute ça. Pas de prise de cristal, ni de crise d'asthme. À chaque frame, on met des coups de sabre au visage. De mon sang passant par mes tours, jusque mon peul. Ça kick le 11 de partout, pourtant nos parcours sont pas tous pareils. Dealer de petites tracks, un an de dur labeur. J'ai pas de label, moi on remarque quand ça sent la bleue. Musique gratuite et écrit d'or, je m'amuse à gratter. Usez de ma technique équivoque, tu peux te gratter pour capter. Je reste tranché comme l'équinox. La mixtape est sortie avec une équipe soudée. Piste à ceux qui soutiennent, on fera pas de bif. C'en a des qu'on sous-traite, trop d'émotions que j'en soutire. J'suis pour ainsi dire sous nos sons. La passion est véridique à travers tous ces mots sombres. Du PC à la cabine, ça charbonne. Et j'peaufine le réglage des voix sur la prod dans ta tracklist. Faut que ça tourne à mort. Tout gagner le casque audio en guise de serre-tête. J'aiguise mes fers et passe mon tour après avoir payé mon 16 mètres. Ce sera commandement si on doit suivre leur commandement. J'aime pas qu'on me mente, man. Il est temps que j'prenne les commandes comme Ant-Man. J'entame le tome et réclame le trône car l'heure est grave. Les gens t'aiment quand tu tombes ou quand tu deviens légendaire. Faut que je change d'air depuis mon plus jeune âge. Je nage dans ce jeu, je ne peux plus survivre sans d'air. J'ai le sens des responsabilités. Mais dans ce monde, pour avoir les réponses, il faut y être habilité. Le rap c'est du yoga, j'suis petit mais rapide comme Yoda. Itinéraire croupé, j'arrive au but comme une frappe de Pogba. J'suis schizoïde depuis que j'ai remarqué qu'il y avait beaucoup d'hypocrites. J'vis au rythme de la musique, j'ai encore des kilos de rimes. J'crie au crime, à l'humanité sans vulgarité. La plume agitée, car tout ce qu'on voit c'est pas du rap pigé. Man, mes frères c'est ceux qui mettent des claques quand je stagne. On veut se faire la malle sans maille. Mais pas possible sans point de départ. Nous sommes que poussière d'étoiles. La terre, un univers, certaines s'éteignent. D'autres naissent pour briller. Faut être une lumière, y'a plus d'hiver. Mais ce monde reste givré. Téléphone en main figé face à des faits divers. C'est la misère, j'ai pas les critères pour une vie saine. C'est Walking Dead avec des zombies. C'est pour ça que je vise la tête. J'ai pris des risques, j'écris des lignes. J'ai à répandre l'épidémie. J'suis cet ermite qui hérite d'une éthique sans impliquer l'ethnie. Avoir de la weed qui sent fort. Tous proches de péter un fusible. Sur un struge récidive. Il est temps que je prenne les commandes comme Ant-Man. C'est laser sur cette terre.